Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. L'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi, Nicolas Roy, est à sa deuxième saison dans les professionnels. Et cette année, ben, heureusement, c'est une bonne nouvelle pour les anciens partisans des Saguenay de Chicoutimi, puisque cette année, il a eu véritablement une véritable chance de s'aligner avec les Hurricanes à Caroline. Là, il est en transit, il s'en va vers l'Arizona, il veut affronter les Coyotes de l'Arizona. On le rejoint à quelques minutes de son départ pour l'Arizona. Salut Nicolas! Nicolas, si on parlait un peu de ton début de saison ou de tes débuts de carrière avec les Hurricanes, comment tu trouves ton début de carrière? Ben, ça va super bien. T'sais. C'est sûr que je voulais faire l'équipe au début de l'année, ça s'est pas arrivé. Je voulais aller ensuite dans la Ligue américaine puis démontrer ce que je pouvais faire pour avoir un rappel le plus vite possible. Puis je pense que j'ai été capable de le faire. Puis maintenant, arrivé ici, ça va super bien. Puis j'essaie de prouver à l'organisation que je mérite d'être ici. Là. Est-ce que tu as parlé d'un rôle? Est-ce que tu as parlé qu'on va t'effectuer dans une chaise comme joueur de troisième trio? Parce qu'avec les Sags, c'était excellent sur les mises en jeu. C'est sûr que c'est pas du tout le même calibre. Mais tu utilisais ton gros physique pour les mises en jeu et ainsi de suite. Est-ce que c'est un joueur de troisième trio qu'on pense utiliser avec les Hurricanes? Ouais, ben présentement, je joue sur le quatrième trio. Je viens juste d'arriver, c'est sûr. Mais ouais. Je pense qu'à long terme, oui, c'est vraiment là qu'il me voit. Le sens de prendre le troisième trio qui est capable d'être bon offensivement, mais surtout bon défensivement sur les mises en jeu, puis défensivement. Là. OK. La plus grosse différence, quand de passer du junior à la Ligue américaine, c'est la vitesse d'exécution. Mais c'est encore un autre step de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Hein? C'est une vitesse d'exécution très différente aussi. Là. Oh, c'est sûr que c'est beaucoup plus rapide la Ligue nationale. T'sais, la Ligue américaine, c'est sûr que c'est rapide, mais je vois qu'il y a encore une coche au-dessus. Puis c'est sûr que il y a une petite adaptation, mais je pense que là, ça va être ça déjà trois matchs que j'ai joué, puis l'adaptation a commencé à se faire rapidement. Là. Est-ce qu'on t'a parlé que tu pourrais rester avec les Hurricanes ou t'es encore en audition, comme on pourrait dire? Là? Ouais, ben je suis plus en audition, tu sais, je vais match par match, je joue le match, puis on regarde ce qui arrive après, puis c'est ça, je prends match par match, puis j'essaie de démontrer ce que je suis capable de faire. Là. Ok, ok. Dis-moi, comment tu trouves les Hurricanes? On entend parler beaucoup ici au Québec que Rob Bynamo fait tout un job avec les Hurricanes, c'est des jeunes et Hurricanes. Comment tu trouves le travail de Rob Bynamo? Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi encensé que ce qu'on entend? Ben, je pense que c'est un coach extrêmement exigeant. Il demande beaucoup de ses joueurs qui donnent leur maximum, que ce soit des pratiques, des entraînements, dans les matchs à chaque présence. Donc, c'est sûr qu'il en demande beaucoup. Il veut que les joueurs donnent le 100%, mais c'est un excellent coach. Puis, on est chanceux de l'avoir. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Sébastien Haho, qui était vraiment un bon joueur, qui est vraiment peut-être le meilleur joueur des Hurricanes cette saison? Jusqu'à maintenant, tu vois? Ah, ben c'est sûr qu'il est vraiment incroyable. Et là, il joue avec beaucoup de confiance aussi. Là, tu le vois, là, il a vraiment beaucoup de chances de marquer. Puis, il joue bien. Donc, c'est vraiment le fun de le voir aller. Puis, bon, c'est sûr que c'est un excellent joueur pour les Hurricanes, mais aussi dans la Ligue. Là. OK. Dis-moi, là maintenant, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions. Comment tu trouves ça jouer devant des bancs vides? C'est des auditeurs qui me demandent ça. Évidemment, les Hurricanes, on entend parler beaucoup au Québec. Ce qu'on entend parler, c'est les bancs vides. Comment tu trouves ça? Ben, je te dirais que cette année, c'est déjà beaucoup moins pire que les autres années. En tout cas, à date, là, depuis le début de l'année, il y a vraiment une bonne augmentation. Mais si vous savez qu'à décembre ou peu importe, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Là, moi, je suis focus sur ma game. Je suis prêt à jouer peu importe ce qui arrive. OK. Dis-moi, le fait qu'on a changé de propriétaire, est-ce que ça, c'est sûr que toi, tu n'es peut-être pas en mesure de savoir vraiment, mais les vétérans des Hurricanes, le fait que ça a changé de propriétaire cette année, on semble beaucoup plus dynamique là-bas. Est-ce que est-ce que les vétérans parlent là-dessus? Oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que ça change un petit peu les promotions, les choses comme ça, les célébrations après les matchs, c'est des choses qui sont le fun qui arrivent dans l'organisation, mais en même temps, nous, on n'a pas. On ne voit pas le propriétaire tant que ça non plus. Donc, okay. C'est sûr que c'est un bon changement, mais ça ne nous affecte pas plus que ça non plus. OK. Hey, dis-moi, as-tu l'occasion, restes-tu attaché un petit peu aux Saguenayens? Parce que les Saguenayens connaissent tout un début de saison avec un paquet de jeunes joueurs. Puis c'est pas mal le fun de les regarder. Est-ce que tu as encore un lien avec les Saguenayens? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de regarder les pointages? C'est sûr, les pointages, je les regarde toujours. Puis c'est sûr qu'ils ont une très jeune équipe. Mais j'étais là au camp, puis tout de suite, on peut voir, même s'ils étaient jeunes, il y avait beaucoup de talent dans cette équipe-là. Puis les gars, c'est avec Yannick, un coach incroyable comme ça, qui demande beaucoup aussi. Un petit peu à la manière de Rod Brelamour, qui demande beaucoup de ses joueurs. Mais je pense qu'ils ont une équipe qui travaille avec un coach incroyable. Donc c'est sûr qu'ils ont une bonne équipe. Là, puis c'est sûr que je les suis. OK. Ben Nicolas, on va te souhaiter la meilleure des chances. On tue ta carrière, évidemment. Ce soir, tu vas jouer contre les Coyotes de l'Arizona. Et on va sûrement avoir le temps de se reparler. Bon, ben merci beaucoup à toi. Voilà, Nicolas Roy, l'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi, qui joue maintenant avec les Hurricanes de la Caroline.